Chapitre 13. Ça y est, j'ai eu mon premier vrai contact avec Magali. Je lui ai rendu visite en prétextant vouloir planter une haie de laurier devant chez moi et lui demander conseil. Elle m'a semblé bien connaître son affaire et la conversation a vite dérivé sur d'autres sujets que le jardinage et la botanique. Je lui ai demandé pourquoi elle se coiffait comme ça, ce qui revenait à dire qu'elle n'était pas coiffée, et elle l'a bien compris. Je lui ai donné quelques conseils à mon tour. J'ai touché ses cheveux fins et sentant le propre, et je lui ai fait un début de chignon qu'elle est allée regarder dans un petit miroir de la cuisine. Elle est revenue avec un grand sourire charmant et m'a dit « Oui, c'est vrai, c'est pas mal comme ça. » « Je pense qu'avec une frange, ça serait bien aussi, » lui ai-je dit, et j'en ai profité pour caresser encore ses cheveux. Elle avait l'air d'apprécier grandement qu'on s'intéresse à elle et nous avons parlé chiffon. « Vous avez de longues jambes magnifiques. Il faudrait vous mettre plus souvent en jupe ou en robe. Pas pour le travail, bien sûr, mais vous allez bientôt recevoir de la clientèle et il faut vous y préparer. Tout comme vous préparez vos plans. Ah oui, vous trouvez que j'ai de si jolies jambes. Mais bien sûr. Tenez, venez chez moi quand vous aurez un moment de libre. J'ai des affaires neuves d'anciennes copines que j'ai toujours gardées. Vous pourrez faire quelques essais et choisir votre nouveau look, comme on dit maintenant. » Elle a accepté assez facilement et en partant, j'ai gardé sa main dans la mienne. « Vous avez les mains chaudes, » m'a-t-elle dit en riant. « C'est vous qui les avez fraîches, » lui ai-je répondu. « Je pense qu'elle viendra demain, en fin d'après-midi. » Je l'ai encore bien regardée. J'ai bu son visage, essayé de sentir son souffle. Je crois que je l'aime. Oui, même c'est sûr, je l'aime. À mon âge. Je croyais fermement que ça n'arriverait jamais, mais pourtant tout arrive. Oh, je ne lui ferai pas de mal à cette merveille. Je ne vais vivre que pour elle. Volpi s'assit tout près du jeune Mas, le visage à quelques centimètres seulement. Monsieur Mas, nous savons déjà que l'assassin est une femme, certainement une de vos connaissances. Une cliente, peut-être, une amie, une amante. En tout cas, même si vous ne voulez pas nous révéler son identité, vous pouvez désormais avouer pour quelle raison cette femme vous tient et vous empêche de parler. Vous serez ainsi débarrassé. Je vous promets que je ne révélerai pas les informations que vous me donnerez. » Volpi sentit que la résolution de Valentin vacillait, et il en rajouta un peu pour le faire basculer. « Et puis ainsi, je pourrai vous dire ce que vous risquez si par hasard la femme vous dénonçait, une fois arrêtée. Car nous allons l'arrêter, c'est sûr. Alors ?»« Ben, » bredouilla Valentin, « il y a plusieurs choses. » « Allez-y, j'écoute. D'abord, je ne déclare pas tout aux impôts, surtout quand c'est du liquide. Elle m'a menacé de me dénoncer un jour. « Ah, bah, vous croyez être le seul à faire ça. Si on devait mettre en prison tous les commerçants qui fraudent le fisc, il faudrait transformer en prison tous les immeubles du cours Mirabeau. Les contrôleurs reçoivent tous les jours des dénonciations et c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Valentin, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. » Après, je vous ai menti sur mes maîtresses. Ce ne sont pas des femmes d'âge mûr. Au contraire, ce sont des mineurs. En fait, ce sont elles qui me font des avances, des vraies nymphomanes. Elles sont trois ou quatre et s'amusent à faire des concours du genre « Je te parie que je le lève, celui-là. » Ou alors « Ce soir, je baise avec ce mec. Voyez le genre. » Elles sont mineures, mais ont plus d'expérience que n'importe quelle femme de 50 ans. Ça les amuse de sortir avec moi. Un gars plus âgé qu'elle qui les balade, en voiture, qui les amène au resto, en boîte. Et souvent ça se termine au plumard, c'est ça? Bien sûr. D'autant que j'ai le tort de donner ma clé à l'une d'elles qui s'est empressée d'en donner des copies aux autres. Ce qui fait que quelquefois, quand j'arrive chez moi, j'ai la surprise de trouver une fille dans mon lit. Quelqu'un pourra-t-il témoigner qu'on s'introduit chez vous à votre insu? Oui, ma propriétaire. Elle a même assisté à une sortie en règle. J'en ai fichu une à la porte en lui jetant ses vêtements. « D'accord, monsieur Mas. Mais pour être poursuivi, il faudrait qu'au moins une des filles porte plainte. Or, je suppose qu'on doit bien les connaître sur Aix, dans un certain milieu. Oui, mais ce ne sont pas des petites putes, plutôt des filles de bonne famille. Leur sport, c'est la drague et la baise, je ne peux pas mieux vous dire. Bon, rien de vraiment alarmant. Et cette femme vous a aussi menacé de vous dénoncer pour cela ? Pas vraiment. Mais je sais qu'elle le ferait. Quand elle m'a demandé la voiture, elle m'a dit « N'oublie pas que je sais beaucoup de choses sur toi. » Pensez-vous qu'elle sache que vous êtes en garde à vue ? Aucune idée. Vous ne vous fréquentez donc pas assidûment, si je comprends bien ? Non. De temps à autre, elle passe au salon pour se faire faire la couleur. Elle a été votre maîtresse ? Valentin se mit à rire et secoua la tête. Oh non ! On a lié amitié parce que nous avons les mêmes goûts sur les femmes et la mode, la coiffure et le maquillage, bien sûr. Et puis elle n'habite pas très loin. C'est pour ça qu'elle m'a emprunté ma voiture. Volpi s'étira comme à son habitude et s'allongea presque dans son fauteuil. Ça, c'était quand il était satisfait. Eh bien, dites-moi, mais c'est parfait tout ça. Vous avez bien fait de parler. Je vais en référer au juge, qui vous convoquera certainement. Mais ne vous inquiétez pas. Il vous entendra surtout à titre de témoin. Je suis libre ? Demanda Valentin, plein d'espoir. Bien sûr. Mais vous allez rester encore quelques heures parmi nous, avec tout le confort possible. Eh oui, c'est plus prudent, au cas où vous voudriez la prévenir du danger qui la guette. Volpi changea de bureau et laissa Valentin sous la surveillance d'un agent. Il appela Michaud et l'Antoine et leur demanda d'écouter la conversation qu'il allait avoir avec le juge Cassard. « Comme ça, je ne répéterai pas la messe plusieurs fois, » leur dit-il. Cassard était dans un de ses bons jours et écouta le récit de Volpi avec beaucoup d'attention. « Ainsi donc, » reprit-il, « si je résume, cette femme n'est plus toute jeune, elle a un penchant pour les jeunes filles, elle se met du vernis à ongles, elle a les cheveux longs, elle crèche près de chez Valentin et s'est procuré des produits anesthésiants, probablement grâce à l'infirmier du service de réanimation. Ai-je oublié quelque chose, Volpi ?»« Non, monsieur le juge, tout y est. Reste à trouver la femme qui correspond à tous ces critères. »« Oh, mais je ne me fais pas de soucis, commissaire. Vous allez trouver. Je connais votre intuition légendaire. » Vous m'avez dit vous-même qu'elle n'habitait pas loin. Quant au Valentin, gardez-le au frais, juste le temps nécessaire à capturer l'assassin. Après, vous me l'amènerez pour son témoignage. Vous avez tout compris ? Demanda Volpi à ses subordonnés en raccrochant. Essayez de voir du côté d'Anatole l'infirmier. Je sais qu'il est HS, mais il a peut-être une femme, une copine, enfin quelqu'un qui aurait pu le voir en compagnie de notre suspect. Il était midi et Volpi avait besoin de faire un break, car la matinée avait finalement été bien remplie. Il décida d'aller faire retraite chez lui à deux pas, mais n'y convient pas Michaud. Il avait envie d'être seul, de faire le point autant que de se reposer, et pour cela, il lui fallait calme et silence. Il crut bon de s'excuser auprès de Serge, car dans son esprit, c'était un peu comme s'il le laissait tomber. « Tu ne m'en veux pas, Serge. J'ai vraiment besoin de faire un break. »« Mais tu n'as pas à te justifier, ballot. » À ta place, j'en ferai autant. Et moi, je ne m'excuserai pas, je te le dis. » Arrivé chez lui, il ouvrit le frigo, sans raison d'ailleurs, puisqu'il était pratiquement vide. Il s'allongea sur son lit, dans sa position favorite, sur le dos, les bras le long du corps. Sans le savoir, il adoptait la même posture que l'assassin qu'il traquait. Dans un premier temps, il lui fallait chasser toutes les pensées ambiantes qui l'assaillaient. C'était plus difficile que de sortir une locomotive de ses rails. Il y parvint pourtant et laissa sa pensée errer au hasard. Puis, une fois les chemins inconnus explorés, il pratiqua la synthèse de toutes les idées qui allaient lui permettre d'affiner le portrait de la meurtrière. Or, son intuition, alliée au principe d'analogie, ne donna rien de nouveau. Il avait des éléments épars et rien ne lui permettait d'en faire une image qui correspondit à une femme réelle. Alors son esprit, fatigué maintenant, recommença à vagabonder. Les yeux toujours fermés, l'image de Gilda s'imprima sur sa rétine, avec son sourire, ses beaux cheveux, son décolleté de rêve dans son sweat rouge rehaussé par le pectoral de bronze qu'il lui avait offert. Son esprit zooma sur le bijou, passa à travers. Il se revit en train de le choisir, puis de l'acheter. Le polichinelle gesticulait au beau milieu comme pour brouiller les cartes. Mais c'est justement à ce moment-là qu'une connexion s'établit dans ses neurones et lui fit le même effet qu'une décharge électrique. Paraphrasant le célèbre Bourrel, il s'écria « Bon Dieu, c'est bien sûr ! Je le savais bien qu'on n'était pas loin !» Il bondit sur ses pieds et s'élança vers le proche commissariat. « Demande une commission rogatoire à Cassard pour une perquise chez la dénommée Sonia Barle. Domicilié route du Seuil à Puy-Ricard. Ne cherche pas à comprendre, je t'expliquerai après, » dit-il à Michaud. « Allez, Boulègue !» Puis il passa la tête dans le couloir et se mit à beugler. « L'Antoine, nom de Dieu, arrive ! Prends trois gars avec toi et une bagnole, on lève l'ancre. »« Tout de suite ?»« Non, demain, couillostie !» et on va, te casse pas la tête, tu n'as qu'à me suivre. » Michaud, lui, n'avait rien demandé, sachant très bien que quand Volpi était ainsi, il y avait du sport dans l'air, et de la réussite à la clé. Volpi conduisit directement ses hommes à la boutique d'artisanat d'art sur la route du Seuil. Les voitures furent garées non loin de la grange en bordure de la route, mais de façon à ne pas être vues depuis la devanture. « Attendez-moi là. Je ne voudrais pas que la volaille s'affole. Je vous appellerai quand le moment sera venu. » Le carillon suspendu au dormant tinta à l'ouverture de la porte, mais le local était vide. Volpi déambula dans les allées et s'aperçut que beaucoup d'objets avaient disparu. Plus de sculptures apocalyptiques, plus de grandes poupées, et les vitrines étaient plus ou moins dégarnies. Sonia préparait-elle à prendre la tangente? Finalement, la porte du fond s'ouvrit et l'artiste entra dans le magasin d'un pas rapide. Son absence de sourire disait assez que Volpi n'était pas le bienvenu. « Je suis occupé, là. Vous ne pourriez pas repasser plus tard. »« Ah non, car moi aussi, je suis en plein travail. » répondit Volpi d'un ton tranchant. Il exhiba sa carte de police ainsi que la commission rogatoire. « Perquisition, Madame Barl. Vous devez nous laisser procéder et assister à l'opération. » Sonia Barl accusa le coup. Son visage bronzé prit une tonalité grisâtre et ses grandes mains tremblèrent légèrement. « Mais ce n'est pas possible, commissaire. En tout cas pas maintenant. Revenez demain, par exemple. » Volpi baissa la tête et regarda fixement le bout de ses Santiago. Il se décida enfin à répondre, à voix faible. « Je crois, Madame Barl, que vous n'avez pas bien compris la situation, ou que vous vous foutez ouvertement de moi. Écartez-vous et ne faites pas de difficultés. » Se disant, Volpi entrebâilla la porte d'entrée et fit signe aux autres de venir. Michaud, Antoine et les trois agents investirent le magasin. Sonia se plaça le dos à la porte du fond et dès qu'un des policiers s'approcha de la porte, elle écarta les bras et dit en détachant les mots « Vous n'entrerez pas ici, c'est chez moi, c'est privé, vous n'avez pas le droit. Et d'abord, pourquoi une perquisition chez moi ? » finit-elle par demander. « C'est dans le cadre de l'enquête sur les meurtres des deux jeunes filles. » Sonia resta impassible et ne bougea pas de sa place. « Allez, » finit par dire l'Antoine, « laissez-nous passer. » Et se disant, il poussa la femme sans ménagement aussi facilement que si elle eût été un fétu de paille. « Non !» hurla-t-elle. « N'entrez pas !» La pièce était assez vaste et meublée comme un studio confortable. Au beau milieu, l'air effaré, une femme poussa un cri « Maman !» et chercha à dissimuler sa nudité avec ses bras. Sonia se précipita vers elle et la couvrit avec le premier vêtement qui lui tomba sous la main. « Vous voyez bien qu'il ne fallait pas entrer !» rugit Sonia. « Tiens !» Magali, je ne m'attendais pas à vous voir ici. On peut savoir ce que vous faites dans cette tenue. Je vois que vous avez changé de coiffure, ça vous va très bien. Alors, que faites-vous ici? J'essaie les affaires, balbutia-t-elle, très rouge. Allez-y, commanda Volpi aux autres, ne laissez rien au hasard. Munis de gants, les policiers commencèrent leur travail, ouvrant les placards, soulevant les vêtements, ouvrant les tiroirs. Sonia vint s'interposer devant Magali comme pour la protéger. « Ne t'inquiète pas, ils vont repartir. N'aie pas peur, ma chatte. »« Mais j'ai pas peur, » repartit Magali, reprenant ses esprits. « En revanche, je pourrais savoir pourquoi ils sont là. Nous perquisitionnons pour l'enquête sur le meurtre des deux filles et du maçon italien aussi. »« Laisse, ma chérie, ne les écoute pas, » dit Sonia. Michaud brandit un pantalon bleu et s'écria. « Ce ne serait pas celui que portait la petite Marie par hasard ?» « Et là, » dit Antoine, « venez voir. Il y a de quoi maquiller une troupe entière de girls. » « Vous voyez, Madame Barl, si vous aviez ressemblé à Madame Tout-le-Monde, je crois qu'on ne vous aurait jamais retrouvé. Ce sont vos longs cheveux et votre vernis à ongles qui vous ont trahi. » Petit à petit, ils cueillirent les indices, tout comme les gamins ramassent les œufs de Pâques dans les jardins, avec chaque fois un cri de surprise. « Oh, et puis regardez les belles photos que je viens de trouver !» s'exclama Michaud. Magali se rapprocha de Volpi et lui glissa. « C'est vrai tout ça ?»« Malheureusement, oui. Vous voyez à quoi vous avez échappé. »« Je ne crois pas qu'il m'aurait fait du mal. » Peu à peu, sans que les autres se méfient, trop pris par leur découverte, Sonia s'était rapprochée de la porte du fond. Prestement, elle sortit un pistolet caché sur une étagère et, brandissant son arme, elle s'écria « Je descends le premier qui fait un geste !» Puis elle ouvrit la porte avec fracas. Magali se précipita vers elle, pensant pouvoir la raisonner. Sonia l'écarta brutalement d'un puissant geste du bras et se rua dehors. Tout ceci ne prit qu'une seconde. Ils entendirent la 403 break de Sonia démarrer en laissant une partie des pneus sur le terrain. Volpi vit la voiture parvenir au bout du chemin une vingtaine de mètres. Par la vitre ouverte, Sonia sortit son bras droit et fit feu au jugé. Volpi eut la sensation qu'on venait de lui donner un coup de fouet de bambou au-dessus de l'oreille gauche. La brûlure fut immédiate. Il tâta l'endroit douloureux et retira sa main rougie alors que le sang commençait à glisser chaudement sur son col de chemise. « Ne vous occupez pas de moi !» crie-t-il aux autres qui arrivaient. « Elle a pris la route du seuil et rogne. Rattrapez-la, fan de pétan !» Magali fut la seule à rester près de lui. Elle l'amena à l'intérieur et le fit asseoir. Dans sa précipitation, le vêtement qu'elle avait jeté sur ses épaules était tombé à terre. Elle n'était plus qu'en culotte et soutien-gorge. « Essayez de ne pas bouger, » dit-elle doucement, comme lorsqu'on s'adresse à un enfant. Malgré la douleur, Volpi, dont le regard était à la hauteur des seins de Magali, tenta de plaisanter. « Comme je suis placé, je ne risque pas de bouger d'un poil. Eh bien, tant mieux. Profitez-en. » Magali, avec beaucoup de douceur et de doigté, écarta les cheveux pour examiner la blessure. « Sonia devait bien avoir une pharmacie quelque part. Je vais chercher ce qu'il faut, en attendant mieux. » Pendant qu'elle farfouillait dans le coin salle de bain, Volpi reprit ses esprits et commença à s'inquiéter. « Mais qu'est-ce que j'ai exactement ? Une grosse estafilade. 5 mm de plus et c'était un trou supplémentaire dans le crâne. Je vais désinfecter, faire un pansement compressif et le faire tenir avec une belle bande belle peau. Comme ça vous ressemblerait à un œuf de Pâques. Après, comme je ne pense pas que je puisse conduire votre voiture de service, on appellera les pompiers. » Tout en lui faisant son pansement, Magali suivait les regards que Volpi promenait sur son corps. « Alors, comment me trouves-tu » lui demanda-t-elle abruptement en adoptant le tutoiement. « Magnifique. C'est fou ce que les femmes peuvent réserver de surprises. »« Oh » fit-elle. « Je n'ai pas grande expérience, mais les hommes aussi peuvent en réserver. »« Ainsi, toi, tu vois, plus ça va et plus... » Se disant, elle se pressa un peu plus fort contre lui. Il sentit l'odeur de sa peau et oublia la douleur de sa tête. « Magali, je te trouve formidable, mais je t'ai déjà expliqué. Je t'ai raconté toute mon histoire. « Écoute, arrête avec ça. Qu'est-ce que tu fais avec cette Gilda ? Rien. Tu te berces d'espoir, mais tu n'es tenu par aucune promesse. » « C'est vrai, » reconnut Volpi. « Tandis que moi, c'est du concret, pas du rêve, du consommable sur place et quand tu veux. Tu es vraiment un type bizarre. » « Prends-moi, Bédigas, et ça durera ce que ça durera. Et si Gilda se réveille, je te promets que je chercherai ailleurs sans faire d'histoire. J'ai 35 ans, Gino, et la vie passe, pour moi comme pour toi. Est-ce que tu le comprends, ça ?» Volpi ne lui répondit pas, et la sirène des pompiers interrompit leur dialogue. Magali courut remettre les vêtements qu'elle portait. « Et je monte avec toi dans l'ambulance, ne discute pas. » En se levant, Volpi chancela un peu et l'un des pompiers demanda d'autorité les clés de sa voiture de service.